veux le nièvre pour régler les montants. Ma daronne elle me dit c'était pas comme ça de mon temps. Hachek mon bébé j'avais pas trop le temps. En ce moment j'enregistre, je suis tarpin de temps. La CB en relief pour régler les montants. Ma daronne elle me dit c'était